À quoi rêve une jeune fille, assise au bord du Nil, qu'elle va se fondre dans un écho qui l'emmènera loin, tout là-haut. À quoi rêve une jeune fille d'Afrique ou de Manille, qu'elle va s'offrir en douce un manteau dans le velours d'une aile d'oiseau. C'est dans les airs, sans en avoir l'air, qu'elle s'enivre d'un souffle nouveau et plus jamais de rond dans l'eau. Et dans les airs, survoler la terre. Cette fille avait le cœur chaud. À quoi rêve une jeune fille quand le soir s'assourdit, que l'aurore lui fera un cadeau, qu'elle s'élèvera comme un oiseau. À quoi rêve cette jeune fille assise au bord du Nil, sans couleur, un tableau. Pourtant à l'intérieur, c'est un faux. C'est dans les airs, sans en avoir l'air, qu'elle s'enivre d'un souffle nouveau et plus jamais de rond.